Marie-Ange Zeyman. Édition, donc voici d'abord les principaux titres. 4 personnes, dont un policier, ont été enlevées par des hommes armés non encore identifiés en zone Gatumba de la commune Moutemozi, nous sommes en province de Bujumbura, tandis que 4 autres, dont 2 à Lutovu et 2 autres à Bumanza, ont trouvé la mort. Assassiné la nuit de ce dimanche, le groupe de presse Iwachu a entamé depuis ce lundi une semaine en hommage du journaliste Jean-Louis Guilimana, disparu depuis un mois. Antoine Kaburahe, directeur du groupe de presse Iwachu, indique qu'ils ont encore de l'espoir, si minime soit-elle, de pouvoir le retrouver. 2 jeunes gens sont détenus au cachot de la commune Mukike. Depuis ce vendredi, ils sont accusés de détenir des armes illégalement. L'administrateur de la commune Mukike dit que la police va bientôt commencer des enquêtes. Isanganiro. Bonsoir. Le groupe de presse Iwachu a entamé depuis ce lundi une semaine en hommage du journaliste Jean Guilimana, disparu il y a un mois. Au cours de cette semaine, le directeur du groupe de presse Iwachu dit qu'il compte porter plainte contre X pour tenter encore de retrouver le journaliste Jean Guilimana. Et pour Antoine Kaburahe, les chances de le retrouver subsistent bien qu'elles soient minimes. Il a été joint au téléphone par Aubin Niongour. Un mois c'est long. Et ce 22 août, donc nous avons décidé d'entamer une semaine d'hommage parce que c'est vrai, quand on n'a pas vu le corps, quand on n'a pas enterré la personne, il y a toujours un petit espoir qui subsiste, mais c'est vrai que notre espoir est vraiment très entamé, mais il n'est pas complètement mort, justement, il y aura toujours cette incertitude. C'est ça qui est terrible dans ce genre d'affaires. Ne jamais être sûr de ce que la personne est vraiment devenue. C'est dur à vivre, c'est dur à vivre pour sa famille, c'est dur à vivre pour nous, ses amis, ses collègues. Et cette semaine, c'est donc une semaine d'hommage, mais aussi qui sera marquée par des actions, notamment une plainte contre X qu'on va introduire devant la justice burundaise. Mais aussi sur le plan international, nous allons entamer des actions. Donc, si vous me demandez si l'espoir est complètement perdu, je dirais que l'espoir reste, mais c'est un espoir qui est vraiment entamé. Et l'ONG Reporters sans frontières demande la libération du journaliste Guissa Sevilakose de la radio Bouja FM. Celui-ci a été arrêté le jeudi 18 août à Kajaga par des agents du Service national des renseignements. Et selon le communiqué sorti par l'organisation, aucun motif d'arrestation ne lui a été signifié au moment de son arrestation. Mais le porte-parole de la police nationale a fait savoir via son compte Twitter qu'il est accusé d'atteinte à la sûreté intérieure de l'État. La famille du journaliste Guy Sasteve craint pour sa santé du moment qu'il souffre du diabète. Isanganiro, la radio de l'avenir. Poursuite de ce journal, 2 jeunes garçons sont détenus au cachot de la police à Mukike depuis ce vendredi. Ils sont soupçonnés de détention illégale d'armes. Cela est confirmé par l'administrateur de la commune Mukike, Jérémy Ngendakumana, dit que la police va bientôt commencer les enquêtes. Suivez Jérémy Ngendakumana, administrateur de la commune Mukike. Dans la zone électrique sur la colline Kanyunya, il y a eu arrestation de 2 jeunes garçons qui sont soupçonnés. Je ne dirais pas qu'ils sont accusés puisque la justice n'a pas encore prouvé ça. Ils sont soupçonnés d'être en détention d'armes à feu. Voilà, des informations en provenance de la population environnante. Ils n'ont pas été arrêtés en même temps. L'un a été arrêté au cours de la journée. L'autre a été arrêté la nuit sous l'escorte de celui qui avait été arrêté au cours de la journée. Ces armes ne sont sont pas récupérés. Nous attendons que la police fasse des investigations afin que ces gens-là s'expriment, que même ceux qui auraient donné l'information viennent le témoigner. Si une fois on constate que ça aurait été deriné, ces détenus seront libérés. Sinon, une fois que l'information se révèle vraie, ça sera alors le tour de la loi, la justice qui va trancher. Et puis un ménage situé à l'avenue de l'imprimerie, appelé communément avenue de la mort, a été attaqué cette nuit par un groupe de bandits armés. Le couple de ce ménage a été blessé au niveau de la tête. À Moussaga, un fusil a été trouvé à la deuxième avenue. Et en zone Gatumba de la commune Moutimouzi, 4 personnes, dont un agent de la police, ont été enlevées par un groupe de bandits qui a également volé d'autres biens, dont des pagnes et des vins. Mireille Kanyange pour les détails. La nuit de ce dimanche à lundi a été perturbée par des groupes de bandits armés, notamment en zone Gatumba de la commune Mutimbuzi en province Bujumbura, à la frontière burundo-congolaise, où ce groupe a enlevé 4 personnes, dont un agent de la police et 3 fraudeurs de pagnes et de vin. Cette information est confirmée par le porte-parole de la police nationale qui indique en outre qu'une moto a été brûlée, 2 vélos volés et que 8 fraudeurs de pagnes et de vin ont déjà été arrêtés pour des raisons d'enquête. En zone urbaine de Nyakabiga, à l'avenue de l'imprimerie, un ménage a été attaqué par un groupe de bandits armés, blessant à la tête le couple de ce ménage et ils ont volé des téléphones, une alliance et une mallette. Ce couple fait savoir que ces bandits ont fait irruption dans leur parcelle à partir de la rivière Nahangwa, raison pour laquelle ce couple ainsi que les ménages de cet endroit demandent que les rives de cette rivière soient beaucoup plus gardées et contrôlées par des éléments de la police. Sur ce, Eric Ngurunziza, chef de zone Nyakabiga, invite plutôt sa population à éclairer les clôtures de leur maison. Il leur demande également de participer dans des réunions de sécurité et de dénoncer tout fait et geste anormal. Toujours dans cette zone, une perquisition a eu lieu ce lundi matin à la 13e avenue de Nyakabiga 2 et 4 irréguliers ont été arrêtés selon le porte-parole de la police nationale. Et concernant ce vol du ménage de l'avenue de l'imprimerie, Pierre Mourikié indique que 2 individus qui extraient du sable dans la Nahangwa ont été arrêtés pour des raisons d'enquête. En zone urbaine de Moussaga, un fusil a été retrouvé à la 2e avenue et 2 personnes ont été arrêtées pour des raisons d'enquête, comme l'indique Antoine Rumenyetso, chef de cette zone du sud de la capitale Bujumbura. Merci à Mireille Kanyange. Et après que 2 corps sans vie ont été trouvés ce dimanche sur la colline Gifugwe en commune Manda, 2 personnes sont mortes ce dimanche sur la colline Girwazi 2 et de la commune Manda en province Sibuwanza. L'une des victimes est un malade mental qui a été battu à mort par les habitants de la colline Bohirika et ces derniers voulaient venger un de leurs qui venait d'être tué à coups de bâton par ce même malade mental. Le reportage est signé Spers Caritas Kavanyan. L'Inouze Vianney est le jeune homme qui a été battu à coups de bâton sur la tête par Minan Eroge, un malade mental selon les sources administratives et policières. En commune Manda, et la victime est morte lorsqu'on allait l'évacuer à l'hôpital. Les voisins et la famille de la victime n'ont pas supporté le choc et ils ont battu à mort Minan et Loge. Les 2 corps sont restés allongés face à face et n'ont été dégagés à cet endroit qu'après le constat des officiers de police judiciaire. Le chef de poste de la police dans cette commune de Manda nous a appris que les policiers ont poursuivi ces malfaiteurs qui venaient de commettre ce crime sans succès. Ils se sont volatilisés dans la nuit, passant tout au long de la rivière Manda, selon toujours le numéro 1 de la police dans cette commune de Manda. Ce lundi matin, avant l'inhumation de ces 2 corps, une réunion de pacification a été tenue par les administratifs et la police sur la colline Garoazi 2 afin d'apaiser la tension des populations qui avaient visiblement une grande colère, selon les témoins sur place. Merci à Spes Caritas Kavanyana. Est toujours en rapport avec la sécurité. 2 personnes ont été tuées et une autre blessée dans des circonstances différentes de criminalité en commune Tovu de la province Bururi. C'était dans la nuit de ce dimanche à lundi. Et 3 suspects ont été arrêtés par la police à Tovu en attendant l'aboutissement des enquêtes. La correspondance est de Jean-Pierre Misago. Selon des sources en provenance de la population de Tovu, confirmées par l'administrateur de cette commune, Une femme a succombé à ses coups de blessure vers 18h30 de ce dimanche sur la colline Rutoke. Jean Ndaitwayeko, administrateur communal de Rutovu, dit que des conflits fonciers sont à l'origine de ce meurtre et trois personnes attrapées en flagrant délit par la population selon l'administrateur communal de Rutovu sont dans les mains de la police pour la confection de leur dossier. Une autre personne, une élève, cette fois-là de la 9e année fondamentale, a été tuée, fusillée et sa sœur légèrement blessée dans une attaque de deux hommes armés de fusils qui ont surgi dans leur salon vers 20h30 de ce dimanche. Leur mère a pu se sauver malgré l'intervention rapide des voisins. Pas de traces des deux assaillants vêtus en civil avec par-dessus des imperméables policiers et qui sont partis avec 15 000 francs burundais volés à cette personne tuée. Au moment où certains habitants de Rutovu disent avoir été envahis par une bande armée, après l'attaque armée contre deux motards à Gihanga ce week-end, l'administrateur communal de Rutovu appelle à sa population de redynamiser les comités mixtes de sécurité pour tenter de mettre hors d'état de nuire ces groupes armés. Jean-Pierre Misago depuis Bururi, Radio Isanganiro. Merci à Jean-Pierre Misago. Et une maison a été mise à feu la nuit de ce dimanche sur la colline Masango de la commune Bukinanyana. C'est en province Chibitoke. La famille victime fait savoir qu'elle a entendu des personnes s'introduire dans leur ménage. Et la maison et tout ce qui se trouvait à l'intérieur ont alors pris feu. Une personne a été arrêtée pour des raisons d'enquête. Et des tracts qui accusaient cette famille de sorcellerie avaient circulé ces derniers jours, informe l'administration sur place. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Parlons santé. Un comité de suivi a été mis en place pour suivre de près l'épidémie de choléra dans la ville de Bujumbura. Le maire de la ville, la mairie, va procéder à la fermeture de plus de 800 débits de boissons et restaurants qui ne remplissent pas les règles d'hygiène, selon les propos du maire de la ville de Bujumbura, Freddy Mbonima. Suivez le maire de la ville, joint au téléphone par Alida Ndaikeza. Depuis que le choléra a été déclaré dans la ville de Bujumbura, nous nous sommes empressés de mettre sur place un comité de suivi. Et ce comité est déjà à l'œuvre. Il travaille au jour le jour pour faire le suivi et voir comment on peut éradiquer cette épidémie de choléra. Nous participons également dans les réunions hebdomadaires que le ministère de la Santé publique organise chaque jour à 14h pour bien suivre les consignes, la propagation et comment arrêter rapidement. Nous faisons aussi des séances de sensibilisation par la voie des élus locaux. Mais ce que je peux vous dire que nous allons passer à l'action, c'est la fermeture de plus de 800 maisons ou des bides de boissons, des petits restaurants qui ne remplissent pas les conditions hygiéniques. Et ces maisons se trouvent dans toutes les zones de la mairie. Et nous pensons que à partir de demain, nous allons passer à la fermeture de ces maisons, de ces restaurants, de ces débits de boissons qui ne remplissent pas les conditions hygiéniques. Et le chômage que vit les jeunes Burundais ces derniers jours a poussé l'organisation Youth Globe en partenariat avec RET à organiser depuis ce lundi le forum à l'endroit de plus de 300 jeunes Burundais. Et le thème choisi, c'est l'éducation, l'entrepreneuriat et l'innovation. Museveni Akizimana, directeur national de Youth Globe, indique que ce thème a été choisi par rapport au manque d'emploi pour la jeunesse qui s'observe actuellement. Vu la situation du moment. Cette situation que je vous parle maintenant, c'est par rapport au manque d'emploi. Alors c'est vraiment visible qu'il n'y a pas d'emploi, que les jeunes doivent eux-mêmes s'investir et commencer à faire des initiatives de création d'emplois pour eux-mêmes, mais pour toute la communauté. C'est pour cela alors que nous avons choisi ce thème qui est l'éducation et l'entrepreneuriat, donc la responsabilité de la jeunesse. Ce que nous envisageons de faire, ce que même nous sommes en train de faire, c'est d'essayer de connecter ces jeunes aux investisseurs, et aux financiers, à ces gens, à tout ce monde là qui a du capital, mais qui veulent investir dans des projets d'innovation de jeunes pour que tout le monde puisse travailler ensemble en vue de se développer et développer notre communauté. Nous poursuivons ce journal. Et près de 300 journaliers de la mairie de Bujumbura œuvrant dans le domaine de la salubrité dans la capitale réclament les arriérés de salaire des mois de juin et juillet. Un de ces manuels qui a requis l'anonymat déplore un traitement de mesure au sein de la mairie, car précise-t-il, il y a ceux qui perçoivent régulièrement leur salaire. Et on l'écoute, il a été traduit par Joseph Sabiamandi. Nous avons des inquiétudes par rapport au salaire des mois de juin et juillet que nous n'avons pas encore touché. Ceci complique les problèmes que nous avions déjà liés aux conditions de vie, au loyer et autres. C'est déplorable de se voir expulsé de la maison alors qu'on espérait percevoir son salaire à temps pour payer le loyer. L'autre problème, ce sont nos enfants que nous devons envoyer à l'école avec le mois de septembre. À quelques jours du début de ce mois, on n'a pas encore acheté des cahiers. Nous demandons à la mairie de songer à régulariser nos arriérés de salaire des mois de juin et juillet pour que nous puissions continuer à vivre et envoyer nos enfants à l'école. Et le maire de la ville de Bujumbura, Freddy Mbonima, les tranquillise. Il indique que la mairie est à pied d'œuvre pour régler leurs problèmes. Et de surcroît, il les invite à leur envoyer un représentant qui, pour qu'ils puissent en discuter à fond. Le football féminin fait face aux difficultés diverses pour qu'il soit développé. Et parmi ces problèmes, les filles qui ne sont pas sensibles au ballon rond. C'est du moins l'avis du directeur technique national du football à la Fédération burundaise de football. Il indique que parmi les projets envisagés pour développer le football féminin, la FFP, en collaboration avec le ministère de l'Éducation, compte intégrer le football féminin dans les écoles primaires à l'échelle nationale. La chronique sportive d'aujourd'hui est sur le football féminin et d'Evariste Nzikobanyang. Ce ne sont pas seulement les hommes qui jouent au football au Burundi. Les filles et femmes jouent aujourd'hui au ballon rond, indique le directeur technique du football à la Fédération de football du Burundi. Mopenda Mossine explique que ces filles et femmes jouent dans les premières et deuxièmes divisions au niveau national. En première division, nous avons pour le moment 10 équipes. En deuxième, nous en avons 12. Mais nous avons pensé l'année prochaine, parce qu'il y a maintenant les championnats locaux qui ont commencé. Depuis l'année passée, et nous allons promouvoir les 4 équipes pour la première division, c'est-à-dire qui viennent de la deuxième division pour compléter les 10 pour en avoir 14. Et puis on va soutirer 2 pour en avoir 12 en première division et 12 en deuxième division. Et puis renforcer les championnats pour en avoir plus d'équipes. Et dans le projet que nous avons, nous pensons à ce que dans une année, donc l'année 2017, en avoir au moins 16 en première division, 16 en deuxième division et avoir dans toutes les provinces les championnats locaux. Le directeur technique de football à la FFB se dit satisfait par le niveau de football féminin burundais à la veille de la compétition entre les nations de l'Afrique de l'Est, CECAFA en sigle, pour cette catégorie. Mais les problèmes sont énormes, indique Mopenda Mossine. Il évoque notamment le manque de moyens et la disponibilité des joueuses de football. Les moyens, je puis dire que peut-être c'est 5% parmi les présidents, mais les autres n'ont pas de moyens. Ceux qui en ont des moyens, voilà, chaque fois ils sortent en première division ou en deuxième division, et ils se débrouillent pour en avoir des moyens, mais beaucoup n'en ont pas de moyens. C'est pourquoi, jusque-là, c'est la fédération qui les prend en charge. Pendant les matchs, il y a des moyens qui sortent de la fédération pour épauler les équipes féminines. Avec ça, nous pouvons dire que les présidents n'ont pas suffisamment de moyens. Et notre problème qu'évoque ce directeur technique, ce sont des joueuses de football, soit mariées ou filles-mères, qui ont des bébés qu'elles doivent téter étant au stade. Mopenda Mossine nous parle d'un cas d'une femme de l'équipe Étoile de l'Est de Rigi qui a abandonné son match à cause de son bébé. Il y a des exemples qui sont arrivés, mais qui ne sont pas encourageants. Il y a eu, par exemple, au niveau de Rigi, l'année passée, il y a une femme qui est venue jouer au match, et puis elle est venue avec son enfant. Ils ont livré le match Pendant la première étape, l'enfant pleurait beaucoup, de manière que sa maman qui était sur le terrain l'a entendu. Alors elle a eu du mal à continuer à jouer. À la mi-temps, elle a dit à son entraîneur de la remplacer. Pourquoi? Parce qu'elle voit que si elle va retourner encore sur le terrain, c'est pour faire souffrir son enfant. Voilà, ça c'est déjà un handicap. S'il y a des femmes ou des filles qui viennent avec leurs enfants, ça pourra poser des problèmes. Et aussi au niveau de leur santé. Au niveau de leur santé, c'est déjà un impact négatif. Parce que si une femme tête et puis elle va dépenser ses calories sur le terrain, alors ça va encore doubler la dépense des calories. Alors si à la fin du match ou bien après le match, elle ne trouve pas la récupération, ça va se répercuter sur la santé de la joueuse. Alors, ce qui n'est pas bon. Le football féminin fait face à un manque criant de joueuses. Et pour résoudre ce problème, le directeur technique à la FFB signale qu'en collaboration avec le ministère de l'Éducation, il compte intégrer dans les plus brefs délais le football féminin dans les écoles primaires au niveau national. Merci à Evariste Nzikobanyanga. C'est sur cette chronique sportive que nous mettons fin à ce journal. Avant de vous quitter, nous rappelons les principaux titres. La mairie de Bujumbura va procéder à la fermeture de plus de 800 débits de boissons et restaurants qui ne remplissent pas les règles d'hygiène. Ce sont les propos du maire de la ville de Bujumbura. Et c'est dans l'optique d'éradiquer l'épidémie du choléra qui a éclaté en mairie de Bujumbura ces derniers jours. Et puis, 4 personnes, dont un policier, ont été enlevées par des hommes armés, non encore identifiés, en zone Gatumba de la commune Mutimbuzi. Nous sommes en province de Bujumbura, tandis que 4 personnes, dont 2 à Rutovu et 2 autres à Bouanza, ont trouvé la mort assassinée la nuit de ce dimanche. Et le groupe de presse Iwachu a entamé depuis ce lundi une semaine en hommage du journaliste Jean Bigirimana, disparu depuis un mois. Antoine Kaburahe, directeur du groupe de presse Iwachu, indique qu'ils ont encore de l'espoir, si minime soit-elle, de pouvoir retrouver le journaliste. Et 2 jeunes gens sont détenus au cachot de la commune Mukike depuis ce vendredi, accusés de détenir des armes illégalement. L'administrateur de la commune, Mukike, dit que la police va bientôt commencer ses enquêtes. Serafine Akizimana sur la mise en onde à la présentation de cette édition. Marie-Ange Nzeimana, bonne soirée à tout le monde.